À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la Corée, les masses médias mauritaniens et bangladais ont présenté des numéros spéciaux et projeté un documentaire coréen. Les journaux d'Internet Al-Sharq Al-Youm, Al-Diyaro et Al-Sapir, les agences de presse d'Internet Nuakchot Life et Irshad de Mauritanie, ainsi que la télévision ATN du Bangladesh, ont fait part des exploits mortels du président Kim Il-sung qui a libéré la patrie sous la tyrannie coloniale japonaise. Surtout la télévision ATN bangladaise a projeté le documentaire coréen Pyongyang d'aujourd'hui. À cette occasion, les journaux et agences de presse d'Internet mauritaniens ont fait paraître le portrait en sourire du président Kim Il-sung.